بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qu'il faut faire si on mange ou boit par oubli pendant qu'on jeûne. On lit le hadith numéro 19. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit que celui qui mange ou boit par oubli pendant qu'il jeûne complète son siyam, car c'est Allah Azzawajal qui l'a nourri et abreuvé. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Walil Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alayhi wa la kaffara. Et le Hakim rapporte, celui qui rompt le siyam pendant le mois de Ramadan par omission, par oubli, n'est tenu ni de rattraper son siyam, ni de s'acquitter d'une expiation. Ce hadith, qui est rapporté par le Hakim Ibn Khuzayma également, est authentique. La première question est, que se passe-t-il si celui qui accomplit son siyam mange ou boit par oubli? Est-ce que son siyam est valable ou pas? Le premier avis est que celui qui mange ou boit par oubli, eh bien, cela n'invalide pas son siyam. C'est l'avis de la majorité des savants. Entre autres, l'imam Ahmed et également l'imam Shafiri. Ils ont dit qu'il n'a ni jour à rattraper, et il n'a pas à s'acquitter d'expiation. Car les expiations sont légiférées pour expier les fautes et les péchés. Or, ici, la personne a mangé par oubli, donc elle n'a pas de péché. Ils se sont basés sur les preuves générales qui indiquent qu'Allah Azzawajal ne nous tient pas rigueur de ce qu'on commet par oubli ou par erreur. Comme la parole d'Allah Azzawajal, « Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana » Également, le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. Ce hadith du prophète a dit qu'Allah عز وجل ne tient pas rigueur de ce que nous commettons par erreur ou oubli ou également sous la contrainte. Or ici, eh bien, la personne a mangé par oubli. Ce hadith, on l'a déjà cité plusieurs fois, a une faiblesse mais son sens est authentique. Et également, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a dit que dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a attribué un siyam à la personne. Il a dit dans le hadith, falyutim masawma, qu'il complète son siyam. Donc il a attribué un siyam à la personne. Il n'a pas dit falyasum baqiyat yawmihi. Il n'a pas dit qu'il jeûne le reste de la journée. Donc il a attribué un siyam à la personne, ce qui indique que son siyam est valide. Et il a ajouté que s'il fallait rattraper ce jour-là, eh bien le prophète alayhi salatu wasalam l'aurait indiqué, il l'aurait montré. Or, on n'a aucune preuve authentique qui indique qu'il faut rattraper ce jour-là. Et le prophète alayhi salatu wasalam a expliqué cela en disant Allah at'amahu wa saqa. C'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. C'est-à-dire sans que ce soit prémédité de sa part, sans que la personne qui a bu ou mangé par oubli alors qu'elle jeûne le fasse de façon volontaire. C'est quelque chose d'involontaire, quelque chose qui n'est pas prémédité. Et la personne n'est pas tenue pour responsable. Elle n'a pas de péché. Et le deuxième avis est que le fait de manger ou de boire par oubli alors qu'on jeûne invalide le siyam et qu'il faudra rattraper ce jour-là, mais que la personne n'a pas à s'acquitter d'expiation, de kafar. C'est l'avis de l'imam Malik et également de Rabia. Ils ont cité que le fait de ne pas manger et de ne pas boire est un pilier du siyam. Et celui qui ne respecte pas un pilier du siyam, eh bien son siyam est invalable. Celui qui mange ou boit alors qu'il jeûne, eh bien n'a pas respecté ce pilier du siyam et son siyam est invalide. Il devra rattraper ce jour-là. Ils ont dit que c'était comme une personne, par exemple, qui oublie un pilier de la salat. Si une personne oublie un pilier de la salat, elle doit rattraper ce pilier. Par exemple, si une personne oublie une araka pendant la salat, elle doit la rattraper. Eh bien, ils ont dit que c'était analogue à ce cas-là. C'est la même chose. Voilà le raisonnement. Mais l'avis le plus juste est le premier avis, qui est que le fait de manger et de boire par oubli n'invalide pas un siyam. Et l'analogie qu'ils ont fait avec les autres ibadat, avec les autres adorations comme la salat, n'est pas une analogie valable, car ici, on a une preuve authentique, claire et nette qui indique ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a indiqué dans ce cas-là qu'on doit continuer notre siyam. Donc, c'est une analogie avec quelque chose de différent. La question suivante est, que se passe-t-il si une personne voit une autre en train de manger ou boire par oubli? Est-ce qu'elle doit l'informer ou pas? Est-ce qu'elle doit lui rappeler qu'elle est en train de jeûner ou pas? L'avis le plus juste, comme l'a cité Ibn Mufleer, est qu'elle doit lui rappeler qu'elle est en train de jeûner. Surtout si la personne ignore le jugement du fait de manger ou boire par oubli pendant qu'on jeûne. Si la personne ignore que cela n'invalide pas le siam, eh bien, il faut l'informer. Il faut lui dire, tu as mangé ou tu as bu par oubli et cela n'invalide pas ton siam, il faut que tu continues à jeûner. Donc, il faut l'informer. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit que lorsqu'on voit un munkar, une chose blâmable, eh bien, il fallait la changer, soit par la main, soit par la langue. Donc ici, il faut informer la personne, il faut lui rappeler que le fait de manger ou boire par oubli n'invalide pas son siyam. La question suivante est, que se passe-t-il si on avale une mouche ou de la poussière? Est-ce que si on avale une mouche ou de la poussière, cela invalide le siyam ou pas? L'avis le plus juste est ce qu'a cité Al-Hafidh Ibn Hajar, qui a dit que le fait de manger une mouche ou de la poussière ou autre n'invalide pas siyam, car on est jugé sur ce qu'on commet volontairement. Or ici, la personne n'a pas fait exprès d'avaler une mouche ou de la poussière. Donc on est jugé sur ce qu'on commet volontairement. Or ici, c'est quelque chose d'involontaire. La question suivante est, que se passe-t-il si une personne force un autre à manger ou à boire? Est-ce que cela invalide son siyam ou pas? Si une personne force, contraint un autre à manger, est-ce que cela invalide son siyam ou pas? La réponse la plus juste est que son siyam est valide. Cela n'invalide pas son siyam. En raison de la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, Inna Allah tajawaza an ummatil khata wa nisyan wa mastaqarru alayhi. Allah azza wa jalla ne tient pas rigueur de ce que nous commettons par erreur ou oubli ou sous la contrainte. Or, ici, la personne a mangé ou bu par contrainte. Donc, son siyam est valable. On continue avec ce qui concerne le vomissement. On lit le hadith numéro 20. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من ضرب القي فلا قضاء عليه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, quiconque est pris de vomissement n'est pas tenu de rattraper son siyam. ومن استقاء فعليه القضاء. Alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. Ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dawud et d'autres, est daïf. Ce hadith a été critiqué par des spécialistes du hadith. C'est le cas entre autres de l'imam Ahmed qui a critiqué le hadith et qui a dit qu'il était daïf. Mais aussi l'imam al-Bukhari a critiqué ce hadith. Et aussi Abu Dawud, Darimi et Nasa'i. Donc ce hadith-là est faible, il est daïf. La première question qu'on va voir est, est-ce que le vomissement invalide le siyam? La majorité des savants est d'avis que si la personne est prise de vomissement, dans ce cas-là, cela n'invalide pas siyam. Mais si la personne vomit volontairement, si elle se fait vomir, eh bien dans ce cas-là, cela invalide son siyam. Ils se sont basés sur le hadith qu'on vient de lire. Le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit que quiconque est pris de vomissement n'est pas tenu de rattraper son siyam, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. Donc ils ont fait une distinction entre les deux cas. Si la personne ne se force pas à vomir, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam. Mais si la personne se fait vomir, provoque le vomissement, et bien dans ce cas-là, elle doit rattraper son siyam. Cela invalide le siyam. Mais on a vu que ce hadith-là avait une faiblesse, qu'il était daïf. Ils se sont basés également sur un hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète, alayhi salatu wasalam, qa'a fa aftar. Qa'a, c'est-à-dire il a vomi, puis a rompu son siyam. Donc ils ont dit que le prophète a vomi, puis a rompu son siyam. Ce qui indique que le fait de vomir invalide le siyam. Donc voilà leur argument. Et le deuxième avis est que le fait de vomir, le vomissement n'invalide pas le siyam. Que la personne soit prise de vomissement ou se force à vomir, eh bien dans les deux cas, cela n'invalide pas le siyam. Ils se sont basés sur la parole d'Ibn Abbas, qu'on a déjà vu précédemment, qui a dit que « al-fitr mimma dakhal wa laysa mimma kharaj ». Ibn Abbas a dit que ce qui risquait d'invalider siyam est ce qui entre dans le corps, pas ce qui en sort. Or ici, la personne qui vomit expulse quelque chose de son corps. C'est quelque chose qui sort de son corps, non pas qui entre dans son corps. Donc cela n'invalide pas siyam. Ils se sont basés également sur al-bara'atul asliya. Al-bara'atul asliya signifie que la base est que le siyam est valide. Et pour qu'on juge que le siyam est invalide, il faut une preuve claire et authentique qui indique cela. Or, ici, on n'a aucune preuve claire et authentique qui indique que le fait de vomir invalide le siyam. Cet avis est l'avis de Ikrima, également de Rabi'a. C'est l'avis également qu'a choisi l'imam al-Bukhari et d'autres savants. Et cet avis-là est l'avis le plus juste. Donc, l'avis le plus juste est que le vomissement n'invalide pas le siyam. Que la personne soit prise de vomissement ou provoque le vomissement, eh bien, dans les deux cas, cela n'invalide pas le siyam. Et la réponse aux arguments de l'autre avis est que le hadith sur lequel ils se sont basés Le hadith sur lequel ils se sont appuyés n'est pas authentique. Le hadith, quiconque est pris de vomissement n'est pas tenu de rattraper son siyam, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper, eh bien, n'est pas authentique. Donc, il ne peut pas servir de preuve, d'argument. Voilà la réponse à ce hadith-là. Et on n'a aucune preuve authentique et claire qui indique qu'il faut rattraper ce jour-là et que cela invalide le siyam. Il reste la réponse au hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, qa'afa aftar. La réponse au hadith qui mentionne que le prophète a vomi, puis a rompu le siyam. La réponse est ce qu'a cité l'imam Tahawi. L'imam Tahawi a expliqué en fait que le hadith ne mentionne pas que c'est le vomissement qui a fait rompre le siyam du prophète, alayhi salatu wasalam. Il est simplement mentionné dans ce hadith qu'il a mangé par la suite. Il n'est pas indiqué que c'était à cause du vomissement. Donc le prophète a vomi, puis a rompu le siyam. Mais rien ne vient indiquer que c'est le vomissement qui a fait rompre le siyam du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc voilà la réponse à ce hadith-là. Donc en résumé, la vie plus juste est que le vomissement n'invalide pas le siyam. Que la personne soit prise de vomissement ou se fait vomir volontairement, dans tous les cas, cela n'invalide pas le siyam. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz, également Cheikh Muqbal et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Voilà pour ce dars où on a vu ce qu'il fallait faire lorsqu'on mange ou boit par oubli, et également on a vu ce qui est relatif au vomissement. Wa ilayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin.